le bon vieux. Smer. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de l'arrivée de Dégel? Moi, j'attends mon arrivée de Tanger à des bons vieux posés à Carthagène. Contre tout l'acheminement de la chaîne, les Al-Shaitan, ils sont comme toi et moi, ils sortent la chaîne. Et je préfère risquer 20 ans aux assiettes que mener ta vie de schlag. À taxer des cigarettes dans le centre commercial, bah, j'ai pas eu de chat, moi. Donc dans un box, y'avait un sac avec l'équipement du bon char, des calaches et des touches car. Pas besoin de venir nombreux, j'ai les bastos qu'ils sont. Seuls les vrais savent qui nous sommes et je veux que ces fils de pute ne la sentent. En ce moment, je suis coffré comme des kilos de tipettes dans des sous. Je fais du sale, mais comme Saddam, je vais chez Head avant tes sous. Ma mère c'est un sang d'encre, je suis en cavale, je fais les 100 pas. Je termine mon projet, je suis dans les endroits, les condés ne sont pas. Je fais que du son brave, j'ai rien à prouver. Mais comme je vais là, ça c'est ma sopra. On me dit faut faire d'un FAO, faut tout niquer à fou. Bruxelles à Rotterdam dans les coffres du bon vieux à fond. Je suis dans l'illégal et face aux lois, je fais comme ceux qui la font. Je dois rien à personne, moi je pousse ni d'affaires ni la fond. Je suis sorti du faux plafond, fais pas le foie, plein avant que je la fond. Je baisais des agences bancaires quand ils te bloquaient ton plafond. Ils suivent des bafonds, je mets des baves, pourtant je suis pas à fond. Sa mère, j'ai tapé dans les quatre coins de la France. Comme un fusil allumé, dehors comme deux dans nos têtes sont minées. En prison j'ai pas fait de séminaire. Non. Dans la tombe on va tous terminer. C'est la vie, pas le Covid qui m'a contaminé. T'es quadrillé comme le pays sentinelle. Me font des rappels pendant que la haine chétane me fait rappeler. Mais comme j'ai peur de la fin, j'ai vite dérapé. J'ai grandi dans ce vice starfond là, mes parents me connaissent mal. Je suis recherché, j'ai besoin d'argent donc je peux te la mettre sans hechma. Bien de la poisse, j'ai l'habitude, tu sais. Nah, chétane en bitch, winset, well bitch, you said. J'ai des petits sur ZF au quartier contre Jack Glock 17. Toi tu pars mal, tu vas rien faire jusqu'au posé 17. Y'a ceux qui font les fous, ceux qui font vraiment les gros coups. On t'a repeint de l'OV toute l'année qui reste en gros coups. Ceux qui sont terrain font des grands ponts sans grands ponts. Ceux qui engrottent pour faire de la chapelure ont écrasé le crouton. Ceux qui ont mangé le goudron en deux temps, c'est qui sort jamais sans le couteau dehors comme dedans. Je rappe tant, je fais rien, j'ai des bons vieux qui gèrent tout. Par un lame rap, je te préviens parce que si je viens, j'éteins tout. Précis comme un fusil allumé, dehors comme dedans, nos têtes sont minées. En prison, j'ai pas fait de séminaire. Dans la tombe, on va tous terminer. C'est la vie, pas le Covid qui m'a contaminé. Terminé, quadrillé comme le prix sentinelle. Précis comme un fusil allumé, dehors comme deux dans nos têtes sont minées. En prison j'ai pas fait de séminaire, non. Dans la tombe on va tous terminer. C'est la rue, pas Covid qui m'a contaminé. Tout est quadrillé.